Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheet. And he also made false... Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ça boum ce matin? Wesh, gros, tranquille. Ma grossesse s'est très bien passée. J'ai accouché cette nuit par césarienne et je suis au boulot dès ce matin. Alors dites-nous, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui? Eh bien, comment dire, professeur Colin ? Ce matin, sur les ondes, le dossier Epsilon numéro 20 est typiquement radioactif. Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Bon, lancez-moi une brique. Parfait, attention, c'est parti, écoutez bien, première brique, chimie. Chimie ? Bienvenue chez les chimies ? On reçoit Claude Berry ? Mais non, il n'est pas... Ah ben si, il est mort. On pourrait donc étudier son cas. Non, non, Berrichonne le glas. Allez, on poursuit, attention, deuxième brique... Château Vallon. Château Vallon, Chantal Nobel, prix Nobel, on ausculte Alfred Nobel, c'est ça ? Non, mais vous chauffez sérieusement puisque ce matin, ce sont nos belles amies polonaises qui nous irradient. Ah, ok doc, une polonaise, prix Nobel de chimie et de physique, c'est Marie Curie. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de cette star du X. Maniez-vous le train, les radiologues ! Et apportez au labo le dossier de Marie Curie, étudiante Slodowska, à table. Bonjour, vous êtes mademoiselle... Slodowska. Oui, mademoiselle Slodowska. Le professeur Schutz nous apprend à l'instant votre venue. Je ne vous cache pas que ces installations sont modestes et que votre arrivée pourrait poser quelques difficultés. Néanmoins, soyez la bienvenue dans ce laboratoire. Possibilité... Étudiante Slodowska, amarrez ma manteau sur votre bite. Oui, mais on dit porte-manteau. Non, porte-manteau, crochet, bite, crochet, bite. Oui, c'est français, mais on dit surtout porte-manteau. Ah, porte-manteau. Bon, étudiante Slodowska, se souviendra. Oui, bon, bah, accrochez votre duffel coat au porte-manteau, Marie Curie. Et surtout, veuillez vous installer un peu plus loin, hein. Vous allez nous faire exploser le compteur Gégère, là. Bien, avant tout, écoutons ensemble la première intervention clinique du professeur Mauduit qui va nous exposer immédiatement ce qui nous tourne boule au cœur de l'architecture mentale de notre patiente. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce qui m'intrigue le plus chez Marie Curie, c'est ce qu'en disait Albert Einstein. De tous les êtres célèbres, Marie Curie est le seul que la gloire n'ait pas corrompue. Certes, mais justement, devant le succès qui fut le sien, comment son ego n'a-t-il pas pris le dessus ? Eh bien, dévoilons ici en partie son secret grâce à Marguerite Perret, l'une de ses plus proches collaboratrices. Marie Curie, au laboratoire, était ce que nous appelions la patronne. Ceci étant dit, avec la plus grande admiration et avec le plus grand amour, nous étions ses enfants. Elle a été toujours extrêmement bonne, compréhensive et comprenant également toutes les blagues que nous, les jeunes, faisions. C'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert ? Regardez. La mouche qui pète. Et cela, c'était une immense joie pour elle de nous sentir jeunes et nous avions l'impression qu'elle vivait de notre jeunesse, de notre joie et qu'elle la partageait entièrement. Eh oui, c'est parce qu'elle a su se protéger de ce triste esprit de sérieux que Nietzsche lui-même décrivait comme le symptôme d'une mauvaise digestion, que Marie Curie a su rester simple. Cela dit, cette explication n'est pas suffisante aux yeux du ministère psychique. Ainsi, durant 53 minutes, essayons, chers amis, d'analyser cette Marie Curie sous un angle iconoclaste, bien entendu, afin d'établir ensemble un authentique diagnostic, non négociable bien sûr, et toujours dans l'espoir de savoir si oui ou non les méandres psychologiques de cette scientifique radioactive recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte le son, mon ami, et sois le bienvenu. C'est la panique au ministère psychique, alors amorçons ensemble l'étude de ce dossier scientifique par une mélodie atomique que nous imposent les quatre frappadingues de la Jamaïque. Ce n'est pas Marie Curie, mais ce sont les ensoleillés de Bonnet M, qui eux aussi en connaissent un rayon. Un fragment de sel d'uranium, enfermé dans les ténèbres, impressionne une plaque photographique d'une manière constante. Ainsi, une lumière invisible, qu'un vulgarisateur appela la lumière noire, a les mêmes actions que la lumière sur les plaques photographiques. Avant tout, le ministère psychique remercie l'éminent professeur Gaston Bachelard de nous apporter son point de vue lumineux pour introduire le cas psychique de notre patiente du jour, car en effet, le ministère psychique s'intéresse ce matin à une brillante scientifique, l'irradieuse Marie Curie. La petite Marie Curie, née Maria Slodowska, a vu le jour à Varsovie le 7 novembre 1867, dans une Pologne sous domination russe. Déjà toute gamine, Marushka épate et ses professeurs et sa famille par ses fantastiques capacités intellectuelles. Mais le tsar de toutes les Russies a décidé qu'en Pologne, l'université serait interdite aux femmes. « Soit, » dit Marie, qui fonce alors à Paris pour poursuivre ses études avec l'obtention d'une licence de physique, une licence de mathématiques, l'agrégation de physique et surtout la rencontre avec Pierre Curie qu'elle épouse en 1895. Tous les deux partagent l'amour de la recherche scientifique et leur nuit de noces est, comment dire, expérimentale. Vas-y. Encore. Encore. Encore. Encore. Encore. Encore. C'est pas physique, c'est électrique. C'est pas physique, c'est électrique. Et en effet, la passion scientifique soude le couple Curie qui s'engagent en commun dans la recherche autour des rayonnements de l'uranium, suivant les travaux d'Henri Becquerel. Car Pierre et Marie Curie ont très vite compris qu'ils tenaient du lourd avec la pêche blande, ce minerai chargé d'uranium dans lequel ils sont certains de trouver quelque chose. Marie cherche, mais quoi ? Il y a quelqu'un. Je vois vaguement quelque chose là où vous dites, mais il faut avoir une bonne vue. Oh, j'ai l'habitude. Moi, dès que je mets la tête dans le sable, j'y vois plus clair. Ça alors ? Vous le voyez ? Vous le voyez ? Qu'est-ce que c'est ? Mystère et jambes de chaise. J'en sais rien. Première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Notre métier. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Si je peux, vous me prenez pour un imbécile ? Je suis un gluon, quoi. Un quoi ? Un gluon, quoi. Le gluon du trou, quoi. Nous avons pénétré au cœur de la matière. Nous avons découvert l'âme des choses, le gluon. Oui, bon, d'accord. Le gluon, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est rien. À côté des deux nouveaux éléments chimiques découverts par Marie Curie en 1898. En juillet, c'est le polonium, baptisé en hommage à son pays natal, et en décembre de la même année, c'est le radium qui rayonne. Et c'est Pierre Curie qui est chargé d'annoncer à l'Académie des sciences l'ampleur de la découverte. Messieurs les académiciens, mon épouse et moi-même sommes en mesure de démontrer que le phénomène décrit comme hyperphosphorescence est en réalité une propriété constante et stable de l'uranium. Une propriété physique qui lui permet d'émettre de l'électricité, et ce, sans transformation ni altération quelconque de ce métal. Et comme le terme d'hyperphosphorescence ne serait plus appliqué, nous proposons d'appeler ce phénomène la radioactivité. Voilà, la radioactivité est née et la renommée des Curie devient immense quand Marie, Pierre et Henri Becquerel reçoivent le prix Nobel de physique en 1903. Et pourtant, que signifie devenir une gloire scientifique sans amour ? Car Pierre meurt en 1906, écrasé par une voiture à cheval. Marie reprend son poste à la Sorbonne et poursuit ses recherches. Mais elle est là, Marie, seule, quand le physicien Paul Langevin, un ancien élève de Pierre Curie, débarque dans sa vie. Hélas, Paul est marié et Marie de lettres, alors que Marie, elle est célibataire. Paul lui écrit des lettres enflammées et peu importe ce qu'en dira la foule mauvaise. Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu, sous la glace de ton ascèse inaccessible, moi, je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang. Mais régner en maître sur le cœur d'une autre femme, surtout d'une femme libre quand on est déjà marié, n'est pas du goût d'une France bourgeoise, comme te l'explique Françoise Giroux. Elle était féministe, elle ne s'en cachait pas, mais d'une façon très modérée. Et elle pensait, c'était un peu l'illusion de l'époque, qu'il suffirait que les femmes passent la preuve de leur valeur intellectuelle pour qu'elles soient reconnues, équivalentes. Ça, c'était l'illusion féministe de l'époque. C'est l'explication de cette campagne de presse terrible contre elle au moment de sa liaison avec Paul Langevin. C'est parce qu'elle avait réussi en tant que femme ? Je crois que c'est à tous égards. Mais surtout, il faut voir que cette affaire se situe dans la suite de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire à un moment où la France est complètement encore divisée entre ce qu'on appelait les libéraux et les cléricaux, et que Marie Curie s'était présentée à l'Académie des sciences soutenue par le clan des libéraux, c'est-à-dire par Henri Poincaré, qui était le très grand mathématicien français de l'époque. Ce qu'on appelait le clan Curie, c'était le clan Dreyfusard libéral auquel s'opposait le clan clérical. Vous savez, alors sa défaite à l'Académie à deux voix près contre Branly l'avait remise encore plus en lumière, si c'est possible. Et il est évident qu'on a été ravis de lui faire payer tout cela. La presse sur elle à ce moment-là est ignoble. « Marie Curie subit donc les foudres d'une presse ignoble, à tel point que l'on en arrive même, dans les hautes sphères universitaires, à souhaiter son retour en Pologne, et cela même si Marie Curie fait rebelote avec le Nobel de chimie, cette fois en 1911. Marie est donc la première femme à être nobélisée en 1903, et surtout la première à être binobélisée pour ses travaux scientifiques en 1911, c'est la consécration. Parmi les photographies qui émaillent le chemin de Marie Curie, l'une marque le souvenir de son empreinte. Elle est prise à Bruxelles en 1911, lors du congrès Solvay. S'y trouvent rassemblées les plus grandes figures de la physique, Max Planck, Rutherford, Einstein, De Broglie, Perrin, Langevin, bien d'autres encore. Marie, seule femme, est au milieu d'eux, reconnue comme leur égale. Marie Curie a donc réussi à être reconnue comme l'égale des plus grands scientifiques, qu'elle dépasse d'ailleurs bien souvent. Mais au-delà de ses découvertes majeures, Marie Curie impose l'image d'une femme libre et brillante, une mère chercheuse indépendante. Et ça, aujourd'hui encore, ça cadre mal avec notre société toujours un tantinet phallocrate. Alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que la figure de Marie Curie est toujours une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Eh bien, allons-y. Professeur Collin, sans m'épancher, je me suis penché avec délectation sur ce curieux cas Curie. Et je dois l'avouer, c'est avec un certain plaisir que j'ai étudié l'aventure humaine de Madame Marie Curie, sans conteste un des plus grands hommes de notre patrie reconnaissante. Oui, parce que vous le savez, professeur Collin, Marie Curie repose depuis 1995 dans le caveau 7 au Panthéon, ce lieu de mémoire au fronton duquel il est inscrit en lettres d'or « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Et en effet, des grands hommes, il y en a pléthore au Panthéon, 74 contre 2 femmes. Marie Curie, bien sûr, mais aussi Sophie Berthelot, déposée là pour ne pas être séparée de son mari, le chimiste Marcelin Berthelot. Deux femmes donc, une pistonnée et une irradiée, c'est bien peu et c'est surtout très déséquilibré. Le ratio homme-femme au Panthéon n'a donc d'égal que celui d'une classe de BEP, structure métallique. Oui, professeur Collin ? Comme on le dit habituellement dans les couloirs d'un lycée professionnel, des techniques du gros œuvre du bâtiment, tout comme on le clame sous les dorures de l'Assemblée nationale, ça manque de meufs. Mais bon, Marie Curie entourée d'hommes au Panthéon, c'est logique. Car comme le disait l'autre jour Benoît XVI, un prélat se prélassant dans la curie romaine, ouais putain, ça manque de meufs ici. Vous êtes sûr qu'il a dit ça ? Certain. Ainsi, l'entrée d'une femme, Marie Curie, au Panthéon fut pour la plupart des grands hommes l'occasion de se souvenir que parfois, le Curie. Ainsi donc, Marie Curie est entourée d'hommes au Panthéon et elle attend sans doute que d'autres femmes la rejoignent. Et là, on a l'embarras du choix. George Sand, Olympe de Gouges, Lucie Aubrac, Simone de Beauvoir... Pourquoi pas Louise Michel ou encore Jackie Sardou, qui, elle, compte pour 2, 3, 4. Professeur Collin, chaque président peut, par décret, décider d'une entrée au Panthéon. De Gaulle a eu Jean Moulin, Mitterrand a eu l'abbé Grégoire, Monge, Condorcet et bien sûr Pierre et Marie Curie. Quant à Jacques Chirac, ce fut Malraux, Alexandre Dumas et Giscard de son côté... a enterré en 1981 au Panthéon ses illusions de réélection. Et c'est d'ailleurs François Mitterrand, on s'en souvient tous, qui a réglé la cérémonie sous l'œil des caméras. Bon, alors aujourd'hui, avec notre hyper-président, la mode est à la décision rapide. C'est une lecture de l'histoire qui s'achève comme Blaise Cendrars achevait la lecture des poèmes courtois dans son recueil intitulé « Bourlinguer » par une partie de touche pipi. Verrons-nous un jour passer, sous le fronton de la patrie reconnaissante, les dépouilles du droit de grève et du code du travail. Entre ici, droit de grève, avec ton terrible cortège de manifestants, et va rejoindre dans le caveau numéro 7 les dépouilles mortelles de Pierre et de Marie Curie, car pour le patrimoine social, aujourd'hui, c'est la Curie! Excellent, professeur Bauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patiente, hyper-radioactivité avec boulimie de titre, mais en toute modestie. Cela dit, le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patiente, cette demoiselle Curie qui connaît les secrets nucléaires du gros décorum qui colle aux souliers du surhomme. Mademoiselle, j'ai des secrets, des choses que je sais que je tais. Un vieux bubblegum qui colle aux souliers comme un homme. Mademoiselle, j'ai des regrets, des trucs pas très chics que j'ai fait, une odeur de rhum qui colle à la peau comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. Savoir un peu trop, l'amour aura ma peau. Mademoiselle, j'ai des frissons, je tremble pour un oui, pour un non. Un Smith et Wesson qui colle à la tête comme un homme. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir décortiqué les petites névroses constitutives de l'architecture mentale de notre patiente, il est temps dès à présent, je crois, comme d'habitude, de nous intéresser à certains aspects cachés de la personnalité de Marie Curie. Avant tout, chacun sait bien entendu qu'elle fut une scientifique qui flirtait avec le génie à tel point qu'elle décrocha deux prix Nobel, celui de physique et de chimie. Cela dit, sa psyché fut essentiellement définie par la modestie. Résultat, on ne soupçonne pas aujourd'hui l'immense étendue des engagements de Marie Curie au service de l'humanité. Vois-tu, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, par exemple, elle participe à la création d'unités médicales spécialisées, surnommées les Petites Curies, qui permettent de prendre des radiographies des blessés sur le front même des combats, opération salutaire, pour repérer l'emplacement des fragments d'obus et faciliter ainsi les chirurgies appliquées aux soldats. Par ailleurs, en 1916, Marie Curie décroche son permis de conduire avec pour seul objectif de se rendre elle-même sur le front, au chevet des gueules cassées, avec l'espoir de les soulager. Vous êtes réveillée ? Il ne faut pas toujours dormir. Il est midi. Vous n'avez pas faim? Je vais vous redresser. Si vous voulez me dire quelque chose, vous l'écrivez. Sainte Marie Curie, qui offrit toute son énergie aux malheureux soldats que l'état-major envoyait à la boucherie. Après la guerre, elle put enfin occuper son poste à l'Institut du Radium. Mais dès 1906, sa générosité la poussa à partager son savoir avec le plus grand nombre, comme nous le raconte Ève, sa fille cadette. Madame, votre mère a été le premier professeur femme à la Sorbonne. Ce fut un événement. Oui, certainement. Quelle sensation cela fit-il, Marie? Oh, eh bien, je... De devenir célèbre. Oui. Il y a de très beaux récits dans les journaux de l'époque, du premier cours de ma mère. Tout le monde attendait quelque chose de... Enfin, de dramatique, je ne sais pas, une première phrase peut-être sur mon père, qu'elle aurait été tout à fait incapable de prononcer, telle que je la connais. Ce qui fait que, quand elle a ouvert son cours, il y avait évidemment beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout scientifiques dans la salle, parce qu'on s'est écrasés dans cette salle pour la voir faire son premier cours. Et elle a tout simplement repris le cours à la première phrase scientifique, à la place où mon père l'avait laissée, d'une certaine façon. Absolument sans aucun commentaire sur rien. Il y a probablement peu de mots qui expriment votre émotion. Si au contraire, il y a un mot qui convient. C'est supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Oui, plus que tout, Marie Curie appréciait la discrétion. Et d'ailleurs, elle aurait pu faire sienne la devise de la famille de Noailles qui dit ceci: plus d'honneur au singulier que d'honneur au pluriel. Alors évidemment, on connaît tous l'importance des travaux scientifiques de Marie Curie sur la radioactivité, le polonium et le radium, découvertes essentielles notamment dans la lutte contre le cancer. En revanche, dans son laboratoire, lui aussi symptomatique de la modestie de notre patiente, puisqu'il ressemblait véritablement à une étable, voire à un dépôt de pommes de terre, selon les propres mots du chimiste allemand Ostwald en visite à Paris chez Pierre et Marie Curie, eh bien, dans ce laboratoire, donc, Marie Curie a mené d'autres expériences scientifiques, beaucoup moins célèbres, certes, mais tout aussi fondamentales. Non seulement elle dirige notre laboratoire, mais de plus, elle est à l'origine de notre programme Tartine sans risque. Enchantée. Madame Stone, docteur. Oui. J'espère ne pas vous importuner, docteur. Non, pas du tout, non, je ne suis pas contre ces petites visites. Ça nous force à sortir de notre jargon. Si nous obtenons une réussite d'à peu près 92% sur la chute de la tartine du bon côté, c'est que nos équipes travaillent depuis des années sur le coefficient de la pénétration dans l'air, de la densité, de l'aérodynamisme de presque toutes les sortes de pain, on peut le dire. Alors, comment ça se présente? Le viennois tient très bien avec la framboise, mais alors dès qu'on le toast, il bascule à l'arrivée. Alors vous éliminez le beurre et vous forcez sur l'abricot. Succès complet, docteur. Pas une goutte de confiture par terre. Ah, madame, vous venez d'assister à une grande première. Oh, je suis bouleversée. Ah, je ne dis pas que nous avons résolu le problème de cette putain de confiture d'abricot, mais j'ai l'impression que nous avons fait un grand pas. Comment avez-vous fait, docteur? Et j'ai trempé, tout simplement, c'est l'intuition. Donc, le viennois confituré d'abricot... Après une légère immersion dans le café crème, aurait tendance à chuter du bon côté. Oh, c'est magnifique, docteur, c'est magnifique! Pas de triomphalisme, vous avez horreur de ça! S'il fallait pavoiser à chaque fois qu'on découvre quelque chose pour que le jury du Nobel s'intéresse à nous, alors c'est pas mon genre, vous savez. Donc qu'est-ce qu'on fait, docteur? On continue, on affine l'expérience. Si vous avez une minute, vous envoyez ce petit compte-rendu à Stockholm, mais sans en faire tout un foie. Hein. Oui, docteur. Oui, madame, nous sommes obligés d'avancer à tâtons. C'est extrêmement impressionnant! Oui. Marie Curie avait pris goût au trophée suédois et elle visait une troisième récompense, le prix Nobel de cuisine bien sûr, mais bon, le résultat fut moins heureux. Et pourtant, qui n'a jamais été confronté à la redoutable chute de la tartine? Enfin bref, toujours dans le registre de ses activités méconnues, comment ne pas évoquer ici cette troublante fascination de Marie Curie pour le monde du spectacle? En effet, sur la dernière partie de sa vie, au cœur des années 1920, Marie Curie entreprit plusieurs voyages aux États-Unis, notamment pour recevoir 100 000 dollars afin d'acheter un gramme de radium à l'usine du radium de Pittsburgh. Mais en réalité, Au cœur de ces années folles, durant cette décennie éprise de vitesse et de frénésie, Marie Curie était fascinée par le nouveau monde et secrètement elle rêvait de devenir une nouvelle star. Ceci est de l'uranium, un métal comme le plomb ou le fer qui vient du fond d'une mine. La classe. Super voix. On connaît l'uranium depuis plus d'un siècle, seulement voilà. Monsieur Curie et moi-même, nous nous sommes rendus compte depuis peu de temps que l'uranium n'est pas un métal comme les autres. Yes. Super, moi je trouve ça super, t'as une putain de voix. Et en plus, t'as un truc que j'aime pas, c'est le vibrato comme ça, mais tu l'as et je l'écoute et je me disais mais j'aime pas ce truc-là et là ça me plaît, ça me parle. Super, bravo, j'ai rien d'autre à dire. Figurez-vous qu'il dégage de l'électricité. Et il y a mieux. Figurez-vous qu'il émet des rayons tellement pénétrants qu'ils peuvent traverser une feuille de carton fort, une planche de bois ou un matelas. Il agit à distance, de façon invisible. Nous appelons ce phénomène la radioactivité. T'es une tête à claque, tu te la pètes, t'as tout ce qui peut énerver. Si vous faites un pas de plus vers la porte, je déchire ma robe, je me griffe et je crie au viol. Je ne plaisante pas, hein. Je pleure à volonté, on vous accusera tous les deux. J'ai déjà fait le coup en Pologne avec un officier russe. Il est à présent en Sibérie. Il pose des rails, sans moufle. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça le problème, quoi. Quand c'est vraiment très bien, on a plus grand-chose à dire, quoi. Alors, avec la radioactivité, la question était de savoir si c'était de la physique ou de la chimie. Eh bien, c'est de la physique. Qu'on le mouille avec n'importe quoi, qu'on le mélange, qu'on le chauffe, qu'on le refroidisse, l'uranium continue à rayonner invariablement. Juste une question, t'as 28 ans, pourquoi t'es pas venu avant? Bon, bah, tu réponds pas, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà la réincarnation d'un mélange de Janis Joplin, de tout ce qu'on adore, un feeling incroyable, une vérité. Un grand oui pour moi. Alors je suis acceptée. On a besoin de ta pêche, on a besoin de ton énergie, et bravo. J'ai presque envie de pleurer, parce que je crois qu'on va avoir le prix Nobel. Et que je n'ai rien à me mettre. Bon, certes, trop modeste, Marie Curie n'a jamais percé dans le monde fabuleux de la chanson, mais elle fut tout de même une icône mondiale du féminisme. Par ailleurs, figure-toi qu'il existe bien d'autres champs d'application explorés par Marie Curie, mais encore une fois totalement ignorés du grand public. Eh bien, afin de compléter au mieux le dossier de notre patiente insatiable, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quel fut le sujet de recherche favori chez Marie Curie. En préambule, je rappelle ici qu'il est attesté que tous les jours, Pierre et Marie Curie se rendaient à leur laboratoire à bicyclette. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur les curieuses activités de notre modeste patiente, digne d'une petite reine devant l'établi de son laboratoire. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop, démonstration! Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Bon, alors professeur, si je vous dis Marie Curie, avec vos histoires de briques là, et je suis sympa, je vous la fais en une, vous allez me dire radioactivité, c'est ça? Eh ben non, mauvaise réponse. Si je dis Marie Curie, il ne fallait pas penser radioactivité, mais plutôt hyperactivité. Marie a des ambitions secrètes pour elle. Elle adore la marche, la bicyclette. J'ai appris en lisant un article que j'étais la 4 ou la 5e plus âgée. Donc il y en a déjà 4 de plus âgées que moi, tant mieux. Elle-même, à 55 ans, est restée très sportive. Je sais pas si je vais rentrer dans l'histoire. Je rentrerai sûrement dans l'histoire si jamais j'arrive à être médaillée. Oui, Marie, avec sa passion pour le vélo, ne cumulait pas que des médailles pour ses découvertes en physique, mais aussi pour son physique, ses propres performances physiques, quoi. Et avec son mari, oui, ils ont fait de nombreuses recherches, mais ils n'ont pas trouvé que le radium et le polonium. Je te présente le vélo Lambert. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois pas que la selle est un peu haute par rapport au volant? Dis donc, justement non. Et c'est là qu'est l'idée. C'est ce qu'on appelle l'aérodynamisme. Tu comprends? Ouais. Mais t'as pas peur que dans cette position-là, on ait mal au dos? Comment ça? Ben, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à rester assis comme ça, le derrière en l'air, ton coureur, il va finir par se casser les reins. De quoi tu me parles? Je suis en train de te montrer le résultat d'un mois et demi de travail, de réflexion. Qu'est-ce que t'y connais au vélo, toi? Hein? Bon, c'est vrai, quand on allie vie privée et vie professionnelle, surtout quand il s'agit de physique, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais quand on partage une même passion pour le vélo, à deux, c'est pas grave parce que... Alors oui, Pierre et Marie ont bossé ensemble, comme des forcenés, des jours et des nuits passés à s'entraîner. Et si Pierre a toujours été un mentor pour sa femme, il n'a pas toujours été très cool. C'est bien ces victoires, non ? Ça vous rassure, vous ? Comment ça ? Elle a gagné que 2 courses. Avec moi, elle en gagnait 5. Donc elle est pas en forme et va droit dans le mur, puis c'est tout. Et si tu veux la médaille d'or aux JO, faut battre le record du monde, puis c'est tout. Pour l'instant, la gamine, elle a battu 2 Espagnoles et 1 Portugaise. Donc elle est nulle, et puis c'est tout. Surtout au début du siècle, la concurrence en matière de recherche physique est rude et les enjeux internationaux. Alors du coup, à force de traîner dans les labos, à faire mumuse avec les produits, Marie ne peut plus échapper aux tests, aux contrôles faits par un certain professeur Gégère. Sans transition, pour parler du lourd débat sur le douloureux problème du dopage, je reçois le docteur Sylvestre, médecin du sport mondial. Alors docteur, comment en est-on arrivé là à ce triste spectacle de cyclistes dopés ? Ma force de travail et de volonté. Du stade d'hyperactive, Marie est devenue radioactive. C'est ça aussi, à abuser du deux roues, on est vite exposé à trop de rayons. Mais c'est cette triste expérience du dopage qui incitera le couple Curie à mener leur ultime combat. Oui, c'est notre affaire à tous. C'est aussi avec un style de vie que nous vivrons mieux demain. Nous devons changer nos habitudes et surtout continuer plus que jamais à aider la recherche. Alors écrivez à l'Arc. Et envoyez des sioux. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions sincèrement l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête sur les recherches avancées qu'ont entrepris Pierre et Marie Curie sur la subtile mécanique du vélo. Au passage, il demeure un ultime point obscur dans ce fatras d'expérience menée par Marie Curie. Oui, où a-t-elle puisé toute son énergie pour entreprendre autant de recherches avec si peu de moyens ? Car il y a plus d'un siècle déjà, les crédits alloués à la recherche n'étaient point suffisants. Alors oui, où Marie Curie a-t-elle puisé toute cette volonté pour sa quête d'absolu, peut-être dans la part de l'esprit et du cœur ? Que la part de l'esprit et du cœur soit la plus forte dans cette recherche de l'absolu, on le mesure à la misère des moyens dont elle disposait, quand on voit toujours dans l'exposition de la Bibliothèque nationale les photographies qui évoquent ce laboratoire de la rue Laumont, ce pauvre laboratoire doté d'un tableau noir, de quelques tables, de quelques chaises et d'un poêle en fonte, et où Pierre et Marie Curie se rendaient à bicyclette. Ou quand on observe la chambre d'ionisation, cette chambre d'ionisation fabriquée avec des boîtes de conserve. Comme elle est émouvante, cette humble origine de la science nucléaire. Alors, après avoir découvert dans quelles conditions déplorables Marie Curie exerçait ses activités scientifiques, à peine meilleures que celles de nos chercheurs d'aujourd'hui, eh bien, essayons justement, dans les minutes qui viennent, de sonder les influences contemporaines des obsessions névrotiques de notre redoutable patiente atomique. Et, comme d'habitude, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. En effet, une fois de plus, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Et le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les échos des monomanies scientifiques de Marie Curie au cœur de notre histoire récente. Alors professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons, si oui ou non, les névroses de notre patiente radioactive dont notre monde se réactive. L'expert jungien, pointez-vous au labo ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Je trouve que c'est une très bonne idée de m'avoir proposé qu'on se voit dans ton bureau. C'est fou le temps qu'on gagne. Marie Curie est la première à avoir, enfin, c'est elle qui a inventé le mot. Mais assez tard, en fait, une fois qu'elle eut découvert la radioactivité. Et notre invitée ce matin est Anne Lauvergeon, présidente du directoire d'Areva. Mais t'en fais une tête, dis donc. Pas du tout, je suis radieux. On parle d'énergie nucléaire. Pour quelqu'un de radieux, t'as l'air assez coincé. Alors, la problématique des déchets, quand on parle déchets en général, la température diminue, mais déchets nucléaires, c'est terrible. En fait. Tes sarcasmes sont très déplacés, je suis déjà mal fichu et déprimé, alors aie pitié de moi. Nous savons recycler aujourd'hui 96% des déchets. Alors les 4% restants, on ne sait pas effectivement les recycler. Ce qu'elle a découvert, c'est-à-dire la radioactivité, elle pensait l'avoir mis au service de l'humanité. Quoi qu'on en dise, c'est une chose difficile. Puisque la première et la principale des applications pendant très longtemps, c'est les traitements du cancer, enfin la thérapie. Si on s'installait confortablement sur le sofa, hein ? C'est le principal organisme de recherche publique en France. Le CNRS va être réformé profondément. Comme ça, on sera relax et on sera une jolie lumière tamisée. Notre invité est ce matin le prix Nobel de physique 2007. Bonjour Albert Fert. Bonjour. Est-ce qu'un chercheur, un scientifique doit faire la preuve de son utilité sociale ? Non, un scientifique travaillant sur l'archéologie a moins d'utilité sociale qu'un chercheur travaillant en informatique. Mais je pense qu'il faut faire progresser les deux en même temps, puisque tout se tient. Et si on développe moins une partie des sciences, ça stérilise l'autre partie, la partie qui a des applications. Pierre rêvait d'un laboratoire extrêmement bien équipé pour l'étude de la radioactivité. Où on le saura que l'année prochaine, mais c'est sûr en 2011, un deuxième réacteur nucléaire EPR nouvelle génération sera construit en France. Faire un laboratoire à la campagne. On sait que l'EPR qui est actuellement en construction à Flamanville rencontre de gros problèmes. On sait que le nucléaire, ce sont beaucoup de déchets qui peuvent avoir une vie très longue. Voilà que le président de la République nous dit la solution à tous les maux, c'est le nucléaire. Ce que vous dites fait peur. Message à destination de la population. Mesures de prévention. Ne pas consommer les fruits et les légumes du jardin. Ne pas utiliser l'eau de pluie. Ce redoutable message d'alerte pour se prémunir d'un accident nucléaire aux conséquences radioactives, voilà de quoi te coller une sacrée frousse. Cela dit, en son temps, Marie Curie n'avait nullement conscience des funestes dangers de la radioactivité. À tel point, figure-toi, qu'elle dormait à côté de son petit radium, car, disait-elle, il en émane une très jolie couleur bleutée phosphorescente. Tu m'étonnes, mais forcément, au bout de quelques années, notre patiente fut foudroyée par une leucémie, intolérable cruauté de la vie pour Marie Curie. Heureusement, aujourd'hui, nos responsables de l'industrie nucléaire savent nous rassurer sur la réalité des dangers radioactifs. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une usine nucléaire, c'est absolument pas du tout dangereux, en fait. Ici, ça déconne pas avec la sécurité. Vas-y, Patrick, je t'en prie. Chaque tuyau est vérifié toutes les 3 minutes par des ingénieurs en casque jaune. Dans la salle de contrôle électronique, les ordinateurs gèrent les 230 zones de haute sécurité, ce qui prouve bien à l'humanité tout entière qu'une usine nucléaire, c'est pas dangereux. Alors vous me direz, pourquoi mettre en place tant de sécurité si c'est pas dangereux? Eh ben je vais être super honnête avec vous, c'est tout simplement parce qu'une usine nucléaire, c'est un peu dangereux quand même. Et tout en vous parlant, je m'aperçois que j'ai complètement oublié de mettre ma combinaison de protection. C'est quoi pour moi? Je vais mourir. Une combinaison de protection. Tiens, tiens, rien de mieux pour se cuirasser contre les méfaits de la radioactivité et notamment contre les radiations de ce polonium découvert par Marie Curie. Mais jamais notre patiente n'aurait pu se douter que plus d'un siècle après ses trouvailles, le nouveau tsar de toutes les Russies aurait eu sa revanche sur la jeune Polonaise en fuite en exploitant sa science sans aucun souci de conscience malgré ses démentis. Pas content, Vladimir Poutine. Le président russe a dénoncé aujourd'hui l'utilisation de la mort de l'ex-agent russe Alexandre Litvinenko à Londres à des fins de provocation politique. Il n'y a aucune raison, a-t-il dit, de spéculer sur les causes de ce décès. Une mort qui finalement serait probablement due à du polonium-210, une matière hautement radioactive, très toxique à des doses infimes. Ironie du sort que de voir l'héritage de Marie Curie aussi tristement récupérée par les Russes. Mais bon, la CIA n'a pas dû faire beaucoup mieux, et puis il faudrait mesurer encore aujourd'hui les taux de radioactivité aux alentours d'Hiroshima ou des faubourgs de Bagdad, bombardés par des missiles à l'uranium. Cela dit, poursuivons et dans un registre plus léger, mais toujours dans le cadre des résonances contemporaines, des obsessions névrotiques de Marie Curie, il faut évidemment mentionner ici toutes les vocations de recherche scientifique que notre patiente a suscitées depuis sa mort. Et bien sûr, tous les chercheurs aimeraient un jour connaître la gloire qui fut la sienne, notamment couronnée des plus nobles récompenses internationales. La semaine prochaine seront décernés les prix Nobel. Aujourd'hui, c'est une récompense un peu moins prestigieuse qui est attribuée, le prix Ig Nobel. L'an dernier, on s'est intéressé à l'absence des maux de tête chez les pivers, par exemple. Aujourd'hui, pourquoi les spaghettis ne se cassent jamais en deux morceaux, mais plus, ce qui est très énervant. Réponse de Basil Audely et Sébastien Neukirch, lauréat du prix Nobel l'an passé. On s'intéresse donc au problème où on prend une pâte type spaghetti crue, qu'on la plie, et l'observation qu'on peut faire, c'est que ça fait plein de petits morceaux. Et la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi pas simplement deux morceaux. Et vous avez répondu comment à cette question? Alors on a répondu à cette question en résolvant des équations et en montrant qu'au moment où la pâte se brise pour la première fois, il y a une espèce de cataclysme qui se produit près de la fissure, qui secoue la tige énormément et qui va produire des ruptures secondaires. Donc on a mis en évidence un mécanisme de rupture par avalanche. Eh oui! Avoue que toi aussi, tu t'étais toujours demandé pourquoi ces foutus spaghettis ne se brisaient jamais en deux morceaux. Eh ben voilà, la recherche avance sans cesse, inexorablement, même quand on cherche à lui couper les vivres. Pour finir, figure-toi qu'au ministère psychique, nos chambres capitonnées deviennent parfois de véritables petits laboratoires de recherche. Et l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même, trépané deux fois, et que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin les résultats de ses curieuses expériences scientifiques. Comme d'habitude, c'est complètement louvedingue, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouais. Ouh. Ouais, je t'aime bien, Marie Curie. Toi, tu as découvert le radium. Robinson Crusoe, lui, avec Vendredi, il a découvert le radis noir. Moi aussi, je fais des expériences pour faire avancer la science. L'autre jour, j'ai pris une puce, je l'ai mise par terre, j'ai tapé des mains et la puce a sauté. Après, je lui ai enlevé les pattes. J'ai tapé dans les mains, la puce n'a plus sauté. J'en ai déduit, quand une puce n'a plus de pattes, elle devient sourde. Ouais, j'aime bien les inventeurs. Mickey, grâce à son chien, il a inventé le plutonium. Et mon pote Gérard, il a découvert le géranium. Et à force de fréquenter les sex shops, moi, et les rayons X, j'ai découvert le bandoneum. Eh oui, ça se passe dans mon caleçon. J'aurais pu appeler ça le calcium. Mais c'était déjà pris, Marie Curie. Ouais, j'ai plein d'idées. Par exemple, faire de l'eau en poudre. Et quand tu rajoutes de l'eau, eh ben ça fait de l'eau. T'imagines quand t'es dans le désert? Bon, j'arrête. Je vais finir par inventer le délirium. Pas très mince, plutôt très épais. Allez, stopium les frais. Je suis trop con. I'm c'est l'amour irradié du groupe Soft Cell en 1981, un tube rayonnant. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques autour de la figure de Marie Curie. Le ministère psychique a bien noté la douce révolution féministe qu'a impulsée notre patiente. Et oui, Marie Curie rayonne bien au-delà de ses découvertes scientifiques de par l'image qu'elle a pu donner de la femme. Ainsi, aujourd'hui encore, nous croisons au quotidien l'héritage de Marie Curie et pour illustrer cela, le plus simple, c'est de terminer avec une histoire. On va terminer avec une histoire de sanglier, cette fois-ci, qui inquiète pas mal les habitants des Vosges. Ce sanglier a été tué par des chasseurs et l'un des chasseurs a eu l'idée de faire analyser la viande. Et la surprise, le sanglier était radioactif, 1700 becquerels au kilo, soit trois fois plus que la normale. Alors forcément, depuis dans les Vosges, on s'interroge. Et aujourd'hui, le Centre de recherche et d'information indépendant sur la radioactivité, le CRIRAD, émet une hypothèse. Le sanglier aurait pu être infecté par le nuage de Tchernobyl il y a 11 ans. Et voilà, sanglier gare, Marie Curie s'est imposée comme une figure incontournable de l'histoire de la science et de l'histoire de la femme. Alors bien sûr, le ministère psychique pourrait facilement enfermer Marie Curie dans une chambre capitonnée, mais nous avons un peu la trouille qu'elle nous irradie les locaux. Alors, aïe hop, dehors Marie Curie. Moi, je gère le quotidien et toi, tu retournes à ton labo. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 20e consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin à une souveraine entêtée, à une femme de tête nucléaire. Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique d'Henri Bérec, merci, c'était parfait Henri. Mais aussi merci beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires et Julien Dugast, notre voix off, sans oublier Marie Berthoumieux, notre stagiaire, sans oublier non plus les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin que la semaine prochaine, le ministère psychique reçoit un homme d'esprit et de théâtre, non pas Jean-Marie Bigard ni Bernard Tapie, mais bien sûr le maître Sacha Guitry. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux et surtout, surtout, nous vous remercions plus que jamais de votre fidélité sans faille. Les chiffres d'écoute mesurés par Médiamétrie nous ont confirmé cette semaine que vous êtes de plus en plus nombreux à vivre avec nous cette petite entreprise frappadingue qui n'existerait pas sans votre soutien. Encore merci beaucoup à vous tous. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous. Mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?